C'est toujours la nuit tombée que génère mon bénef. Partout ça se piétine pour un peu d'oseille. Partout ça tire pour des potes mis dans le sommeil. Partout ça se crève au shit, ça fait passer les semaines. Plan casse-pipe sur le terre-terre, j'en ai buté des semelles. Des centres de flics, la tournée de promenade, j'connais gros. Eh, hey, du grave la matière pour un peu de bien-être. C'est le gain de point de la paresse. J'te tends la main, après tu demandes, j'te rendrai ça pareil. Ma gueule, j'm'évade avec 2-3 potos véritables. SBES, ça peut devenir very very hard. Comme moi, ma gueule, gros, t'aimerais toucher le gros lot. En bas de la tête, y'a rien à part des blèmes pro. Eh, hey, y'a rien à faire, ouais, j'ai rien à prouver. Si j'veux te niquer ta mère, j'aurais pas besoin que mes potes viennent approuver. BES cartel, ma gueule, j'viendrai seul si j'veux te trouver. BES, ma laisse incruste dans ton holtar. Putain de rime urbaine qui te fait sortir du coltard. C'est Val de Fontenay, tiens. BES, ma laisse, tu voulais voir maintenant, tiens. BES, ma laisse incruste dans ton holtar. Putain de rime urbaine qui te fait sortir du coltard. C'est Val de Fontenay, tiens. BES, ma laisse, tu voulais voir maintenant, tiens. J'ai pas de table des coups, juste un coup pour les coups. Un bout de seum sous les doigts et des étoiles dans la tête. Je me repasse les souvenirs à l'époque où les sous se noyaient dans les soupirs, puis les fous m'ont embarqué dans des histoires sales où les salopes avaient de sales manies. Où les posters de manies s'appalaient sur mes murs salis, noircis par la fumée. Au fur, j'ai battu la mesure, les bulletins m'a fumé. La rime a futé, le moi j'allumé. Rassurez-vous, mes textes sont assumés. Je voudrais me payer une belle montre fossile, mais avec ma sourcil, je n'ai qu'un faux style. Une meuf qui aimerait ma bite et mon son, les vacances aux Maldives et l'odeur de mon fion. Au fur et à mesure, la fume détruit. Alors je smoke des spliffs en modèle réduit. BES, ma laisse incruste dans ton holtar. Putain de rime urbaine qui te fait sortir du coltard. C'est Val de Fontenay, tiens. BES, ma laisse, tu voulais voir maintenant, tiens. BES, ma laisse incruste dans ton holtar. Putain de rime urbaine qui te fait sortir du coltard. C'est Val de Fontenay, tiens. BES, ma laisse, tu voulais voir maintenant, tiens.